étrange persistance d'un souvenir. Hélas, ces vers qui contiennent une allusion évidente à mon fatal égarement, cette musique, cette voix qui retentissent obstinément en moi, ne semble-t-il pas me dire que je dois vivre encore pour mon art et pour l'amitié ? Vivre, mais vivre pour moi, c'est souffrir. Et la mort, c'est le repos. Les doutes d'Hamlet ont été déjà une première fois sans force contre mon désespoir. Serait-il plus puissant contre la lassitude et le dégoût? Je ne cherche pas à approfondir quels seront nos songes quand nous aurons été soustraits au tumulte de cette vie, ni à connaître la carte de cette contrée inconnue d'où nul voyageur ne revient. Hamlet, profonde et désolante conception, que de mal tu m'as fait. Oh, il n'est que trop vrai, Shakespeare a opéré en moi une révolution qui a bouleversé tout mon être. Moore, avec ses douloureuses mélodies, est venu achever l'ouvrage de l'auteur d'Hamlet. Ainsi, la brise soupirant sur les ruines d'un temple renversé par une secousse volcanique les couvre peu à peu de sable et en efface enfin jusqu'au dernier débris. Et pourtant, j'y reviens sans cesse. Je me suis laissé fasciner par le terrible génie. Qu'il est beau, vrai et pénétrant ce discours du spectre royal, dévoilant au jeune Hamlet le crime qui l'a privé de son père. Il m'a toujours semblé que ce morceau pouvait être le sujet d'une composition pleine d'un grand et sombre caractère. Son souvenir m'émeut en ce moment plus que jamais. Mon instinct musical se réveille. Oui, je l'entends.